que tu sais. Les plans pour j'échange le logement, que tu sais. T'échanges ton logement sur les champs, que tu sais. Même quand on t'échange calmement, que tu sais. C'est quand on descend l'armement, que tu stresses. Quand les pages de mon passé auront laissé passer les âges, est-ce que les sages seront passés outre l'abcès de ce présage? À savoir que la victoire est trop courte car la guerre est encore en cours. Et de larmes, mon cœur est d'accord face à l'écart qui sépare ceux qui pleurent leur CAC 40 et ceux qui meurent par carence. Bien plus de 4 par an, c'est l'éternel conflit. Et ceux qui se lamentent pour du cristal et ceux qui se tapent la mienne en tête d'ail pour une crise d'asthme. J'écris ce qui se passe, dépeint les frasques de mon espèce dans des fresques de phrases. Et parce que mon espèce, je l'ai posé par sur des mélodies diverses. Car l'important n'est pas le vers, mais l'eau que tu verses. Au reste, que je ne suis qu'un homme qui fait ses armes dans un monde face au sébum de la vie. Seul l'argent fait sérum, et je suis comme Watt. J'aime prendre une claque sur un album, mais ça me fait chier de lâcher tiqueuse dans un CD-ROM. L'écran qui nous ment savamment, que tu sais. Les gens qui attendent patiemment, que tu sais. Pas une changeante et grande jambe, que tu sais. Les gens de l'égalité des chances, que tu sais. Les plans pour j'échange le logement, que tu sais. T'échanges ton logement sur les champs, que tu sais. Même quand on t'échange calmement, que tu sais. C'est quand on descend l'armement, que tu stresses. C'est pas faute d'essayer, mais l'ego trip me saoule. Jouer les chromas trop mal dans des gros clips de boules. Qu'est-ce tu me dis, sans ça tu vends rien. Et bah dans ce cas mon gars, vends pas ou vends bien. Quoi t'es secoué, ça te dépasse la cohérence. Coïncidence, l'audimat grimpe quand une connasse chez cohérence. Tu banalises, la sodomie est devenue une gâterie. On élève l'homme comme le poulet, allons enfants dans la batterie. Y'a pas trip dans la matrice quand on vend le bonheur en pastille. La nouvelle révolution c'est prendre un pastis à pastille. Je pose ma bière à l'édifice d'une pyramide de cadavres. D'un président aux mœurs, d'une famille de calabres. Trêve de palabres, le droit de grève est malade. Et comme d'hab aux 20h c'est mon 9-13 qu'au placard. C'est quand je la mine blafarde que je le pique bavard. Et j'illumine Paname comme un bolide plein phare. L'écran qui nous ment savamment, que tu sais. Les gens qui attendent patiemment, que tu sais. Pas une changeante et grande jambe, que tu sais. Les gens de l'égalité des chances, que tu sais. Les plans pour j'échange le logement, que tu sais. T'échanges ton logement sur les champs, que tu sais. Même quand on t'échange calmement, que tu sais. C'est quand on descend l'armement, que tu stresses. Maintenant tu suis qui est toujours droit, devait lancer la première pierre. Je te l'accorde, c'est peut-être moi qui jetterai la dernière. Antithèse à l'antithèse qui vise à tous nous étiqueter. Je garde mon libre arbitre en petit 16 quand le mec tout nous est dicté. De nos K-F-O-N-I-K, de Phonica Atlas. Je fige le monde comme Konika et à ma feuille je le cadenasse. Incapable d'écrire autrement qu'honnêtement. Je fais la guerre à ceux qui pensent que rap se reconnaît qu'au vêtement. Loin des stars d'un soir avec l'ego sur la braquette. Blanc et noir à l'instar du Lego sur la pochette. C'est juste une lettre ouverte aux esprits fermés. Et que les êtres inertes cessent d'hiberner. R.A.P. et qui est l'art d'infiltrer un dico et d'en extraire la matière apte à briser un étau. Et si le rap est à la France que la brique est au ghetto, alors le mien est un miroir et mon bic est un marteau. Voyageur au long cours, j'attends mon tour, la roue tourne. Que la mort me fasse la cour et sans détour je la retourne. Pas délicat ni d'élégance, j'ai oublié les gants. Pose des lignes cassantes, j'avance dans le plat à pas d'éléphant. Que tous les continents sur terre résonnent au chant du Darfour. Pas loin de voir un Charles Leclerc surgir à chaque carrefour où chaque discours d'état a des odeurs de camorra. Tombe nos droits et fleurissent les caméras branchées H24 sur Della sur Hotline. Balance ton voisin et gagne un portable. Bienvenue dans un monde qui tombe plus rond qu'une parabole. Et où les crises de fou rire se font remplacer par un lol. Et toi par un autre clone de clone de clone. Ça n'est que copie conforme, je m'isole de vos icônes. Primo, j'ai eu mon compte de temps immonde secondo. Appelez-moi Atlas, je porte le monde sur mon dos. L'écran qui nous ment savamment, que tu sais. Les gens qui attendent patiemment, que tu sais. Pas une changeante et grande jambe, que tu sais. Les gens de l'égalité des chances, que tu sais. Les plans pour j'échange le logement, que tu sais. T'échanges ton logement sur les champs, que tu sais. Même quand on t'échange calmement, que tu sais. C'est quand on descend l'armement, que tu stresses. L'écran qui nous ment savamment, que tu sais. Les gens qui attendent patiemment, que tu sais. Pas une changeante et grande jambe, que tu sais. Les gens de l'égalité des chances, que tu sais. Les plans pour j'échange le logement, que tu sais. T'échanges ton logement sur les champs, que tu sais. Même quand on t'échange calmement, que tu sais. C'est quand on descend l'armement, que tu stresses. L'écran qui nous ment savamment, que tu sais. Les gens qui attendent patiemment, que tu sais. Pas une changeante et grande jambe, que tu sais. Les gens de l'égalité des chances, que tu sais. Les plans pour j'échange le logement, que tu sais. T'échanges ton logement sur les champs, que tu sais. Même quand on t'échange calmement, que tu sais.